Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 16h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Samedi 20 février, soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Excellent après-midi. Restez avec nous, c'est le Flycase comme tous les samedis évidemment. Entre 16h et 18h, les 20 titres incontournables. C'est ce que l'on vous propose aujourd'hui avec un nouveau numéro 1 également. Tout à l'heure aux alentours des 18h, pas mal de changements d'ailleurs du côté du podium de tête. Et puis pas mal de nouveautés également à vous proposer, des petites propositions que vous nous avez faites. On les a écoutées, on vous en proposera bien évidemment tout le compte, ces 2 heures. Et puis 3 entrées, 3 sorties, c'est ce que l'on propose cette semaine. Flycase. La sortie de Ben Daly, The Boy Is Mine, le remix de Mark Lower. On a mis un titre là, hein. Eh oui, petite découverte Galaxy, bah, faut complètement être déjanté pour proposer ça. Hein. Le titre de Polyester à l'instant avec Katrina en sortie. Et enfin la sortie également d'un titre qui nous aura accompagné durant quelques semaines, This Is I et Karen Fox, le titre Can't See Me. Numéro 20. Allez, on y va, on va commencer tout doucement ce classement avec une petite balade. Fermez les yeux. Oui, c'est pour relaxer un petit peu le cerveau parce que ce qui vous attend durant ces 2 heures, ça va déménager. Voici Udatos, numéro 20, une place au moins avec Anaclab, Hush, bon après-midi. Michael Curtis sur Galaxy. Numéro 19. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec ces 20 titres incontournables. Et la position numéro 19 à l'instant, ça perd 5 places. Le titre de Lucas Debonair avec Keep This Party Rocking et Unitas juste auparavant. Yana Club avec Hush, le remix de Bebeta. C'est la lanterne rouge cette semaine et à mon avis, ça doit être la dernière semaine. En tous les cas, c'est à vous de voter. Hein, Facebook Flycase, bien évidemment. On totalise tout et on vous fait un petit résumé de tout. Les 20 titres indispensables sur Galaxy numéro 18. Insable. C'est Fly Gaze. Numéro 17. Fly Gaze. Nouveauté. fish though. I don't know you, but I think I get the gist though. When we drinking and we end up on the dance floor. Too late, surely. Know you got a man, but your man's not me. Tell your boyfriend, baby, stay la vie. Girl, it's all good, got the feeling in your cheeks. Go ahead and smile, let them lips show. When they play this, it's a party at the disco. All the girls go wild, let their hips go. If you feel it, can I get a little kiss though? One, pretty thing, can't lie. If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now. Come on. Excellent, hein, ce titre positionné numéro 16 cette semaine dans le classement du Playcase. 4 places au moins pour Alex Goffer, X numéro 1 également avec Étienne de Crécy, Smile. Numéro 17, c'était la première entrée pour cette semaine. Le groupe s'appelle Rome Acoustic. C'est le second single classé dans ce Playcase après le précédent qui avait cartonné. On lui souhaite un avenir prometteur également avec un remix de Format B. Ça s'appelle Pantyr et pointé numéro 18, une place au moins pour Me and My Tooth Bros Gold Member. Tous les jours, dès 20h, sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, la musique s'exprime en toute liberté, évidemment, on va pas s'en priver. Hein. À partir de 20h, eh bien c'est Jean B que vous allez retrouver. À partir de 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 23h, Marty, à minuit, Digistorm, 1h, Digigus, 2h, Mark Lower, 3h, 7 Santos, et Pierre Terry pour clôturer cette soirée de 4h à 5h. Tout de suite, on fait une petite proposition d'entrée pour les semaines prochaines. Tiens, le groupe s'appelle Nora and Pure, le titre Morning Dew. C'est à vous de voter Facebook Flakies, et puisqu'on a un petit peu de temps, juste après, un petit sample bien sympathique de Michael Jackson, ce sera David et Ayuti et le titre Relax.

original, c'est original. C'est une bonne proposition d'entrer dans le Fake Yes. C'est un titre que vous entendrez sur Galaxy, évidemment. Ça s'appelle David et JLT, le titre Relax. Et puis c'est David Boité, donc je vous rappelle, Facebook Fake Yes. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 15, Flycase, nouveauté. Allez, on est reparti tout de suite avec une nouveauté, une entrée dans ce classement numéro 15, Noir & Juge, ça s'appelle Keep Up, c'était une entrée, une proposition la semaine dernière. Vous avez voté, et bien le voici dans ce classement. Oh, numéro 14. Tous les samedis entre 16h et 18h avec Rise. C'est le nouveau Eddie Amador. C'est positionné numéro 14. Ça gagne une petite place. C'est un remix de Robosonic. Et numéro 15, juste auparavant, Noir and Juge. Le grand tour également dans ce classement avec le titre Keep Up. C'est positionné numéro 15. Et c'est à vous de voter. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Fly Case. Numéro 13. searching for that missing part. You can reach and you can understand. Numéro 11.

C'est une nouveauté, c'est une proposition d'entrée également pour la semaine prochaine dans ce classement. Pourquoi pas un remix de Marc Lowry. C'est également, on essaiera de vous faire écouter un de ces quatre. Ça s'appelle Sandy Day, le titre Losing Mine. Numéro 20. Et même carrément Losing Myself. Bon, restez avec nous, il est 17h, bon après-midi. Voici le récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11, numéro 20. Ça perd une petite place, Unatos et Anana Club avec Hush, le remix de Bebeta. Numéro 19. Numéro 19, c'est personne place cette semaine, Lucas de Bonheur avec Keep This Party Rocking. Les Sister Stage, revu et corrigé par Me and My Tooth Bros Gold Member. Numéro 18, ça perd une place. Numéro 17, c'est une entrée, un titre qui avait cartonné le titre précédent dans la saison dernière. Rome Acoustique avec le titre qui s'appelle tout simplement Pantir. C'est le remix de Format B. Numéro 16. Numéro 16, ça perd 4 places cette semaine. Exhumant du Flakez, Alex Gopher et Etienne de Cresti, Smile. C'est la seconde entrée pour cette semaine, il y en a 3 au total. Je vous rappelle, Noir & Juge avec Keep Up. Numéro 14. Une petite place au mieux pour Eddie Amador, numéro 14, avec le titre Rise, c'est le remix de Robosonic. Numéro 13. Ça dégringole également, qui est trop plaisant au moins cette semaine. La position numéro 13, Spread Everything et Ginadou avec Churching, le remix de D-Tron. Numéro 12. Numéro 12, deux places au moins pour Duke Demon avec Ocean Drive. Enfin numéro 11, on s'est écouté il y a quelques secondes, c'était le groupe Kovari, découverte Galaxy également avec Ocean and Rise, ça perd 3 places. Galaxy Fly Case numéro 10. Allez, on est parti tout de suite dans les 10 premiers, les 10 meilleurs, autrement dit, de ce classement. 10e, 3 places au moins pour Ramon Tapia avec Yellow Submarine. Et puis restez avec nous, il fait pas beau cet après-midi, de quoi s'enfermer peut-être dans les salles obscures. On aura des invitations pour le Kinépolis dans quelques minutes. We'll be right back. 15 et les 20 titres incontournables positionnés numéro 9 à l'instant, c'était Clapton avec Only Thing, c'est gagné 2 places. Et juste auparavant, numéro 10, 3 places au moins pour Ramen Tabia avec le titre Yellow Submarine. Et puis attention, restez avec nous. Donc je vous avais dit, dans quelques minutes, nous allons jouer avec le Kid et Police. Les 20 titres qui te font bouger. Flycase. Numéro 8. Flycase. Nouveauté. Dans la radio, ça fait du bien ça, hein. Positionnellement aussi cette semaine en classement de Flycase, ça perd 4 places, c'était Relaxes et Abrao avec Sabor, 6 places au lieu numéro 7 juste auparavant pour Sony Fodera et Yasmine avec Feeling You, et numéro 8, c'est la meilleure entrée pour cette semaine, Eat Everything avec Big Disc. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h c'est Jérôme B que vous allez retrouver, 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, à 23h Marty, à minuit Storm, 1h DJ Gus, 2h Mark Lower, 3h Seth Santos et à 4h pour clôturer cette soirée mix ce sera Pierre Thierry jusqu'à 5h. Et puis on vous en avait parlé il y a quelques minutes, nous avons des invitations à vous offrir pour le Kinépolis. 2 places, c'est pour la 5e personne à nous appeler, 03 20 83 57 57, 2 places pour le Kinépolis, pour aller vous enfermer dans les salles obscures, aller voir les films de votre choix. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine dans ce classement du Flycase, voici Lovebirds, excellent, on espère que ça va rentrer très rapidement, ça s'appelle National, 03 20 20 83 57 57. 5. Why? What? How on earth

to get it. You didn't. You're gonna get it. Avec Mind Your Business proposition. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 premiers, les 10 meilleurs de ce classement pour cette semaine en ce 20 février. Numéro 10, Ramon Tapia avec Yellow Submarine, ça perd 3 places. Numéro 9, Clapton, le grand retour également dans ce classement avec Only Thing, le remix de Tube and Burger. Numéro 9, ça gagne 2 places. Numéro 8, c'est la meilleure entrée pour cette semaine. Il y en avait 3 au total cette semaine. It's Everything avec Beast Disc. Numéro 7. Numéro 7, c'était d'entrée il y a 3 semaines. Le titre, le sol, il faut des rails. Yasmine, ça commence à bien cartonner, hein, s'il plaît, c'est mieux. Avec Feeling You. Numéro 6. 4 places de moins avec son Laurent de Soufflet, qui est également avec Red Axis et Abrao, ça s'appelle Sabor. Numéro 5. Toujours ces rythmes endiablés. Hein. Numéro 5, une place de mieux, ça regagne du terrain. Dele Sosimi Afrobeat Orchestra avec Too Much Information, c'est le remix de Laoulou. Le numéro 1 de la semaine dernière, Agadip, Didier Leroy et Roland Clark. C'est une version remixée, un titre qui est sorti il y a quelques temps, Late Night. Numéro 3. Beaucoup de changements dans les 3 premiers, ça, bah oui, carrément, ça cartonne le titre de Jane Faris, avec une reprise, un vieux titre disco des années 70, Time. Ça s'appelle Jane Faris, numéro 3 plus 1. Une petite place au mieux également pour Written et Calo, Rinse and Repeat. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morning. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Allez, nouveau numéro 1, vous l'avez dit, hein. Et il fallait s'y attendre également. 4 places au mieux, vous êtes nombreux à nous demander les références. Ce titre, ça s'appelle Garshon Jackson, le titre Take It Easy, et c'est un remix de Sonny Fodera et Maggio. Flycase à l'instant, c'était Gershon Jackson avec le titre Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Maggio. Ça gagne 4 places cette semaine. Hein. Flycase. Ben voilà, Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de voter, hein, évidemment, Facebook, Flycase, toutes vos propositions, on écoute tout. Et puis on fait une petite sélection, bien évidemment. Dans un instant, c'est Matt Le Batou qui sera là. Enfin, on l'espère, il est toujours, il est toujours à la bourre. Il faudra un de ces quatre qu'on le filme et qu'on vous propose comment ça se passe. Avec son par-dessus et tout, hop, à terre. Et... Bon, ouais, il est sur la route en tous les cas, il sera avec vous dans quelques instants. C'est bien. C'est qui? C'est Galaxy. Galaxy.